ils ont fait à la visite médicale. Faut dire que j'ai une tête qui est pas vraiment banale. Je suis la fourmi atomique. La fourmi atomique. Spécimen, oui carrément unique. Depuis que j'ai des antennes, on me donne des coups de tête. Je suis l'homme fourmi atomique. L'homme fourmi atomique. Ouh, l'homme fourmi atomique. Allez, ça va. Accident, j'erre dans la ville. J'aurais pu être Batman, Spider-Man, Daredevil. Mais je suis l'infourmi atomique. L'infourmi atomique. Ouh, l'infourmi atomique. Vivre avec ma différence. Porter l'indifférence et les regards fuyants, ou bien trop insistants. Vivre à part, caché, vivre seul. Je dois supporter ma sale gueule et la face d'autrui qui s'approche puis me fuit. J'ai beau me donner un coup de peigne, ça ne change pas ma gueule d'en peigne. Alors j'en chope un, je le tabasse. Oui, je deviens une teigne. Je meurs avec ma différence, achevé par l'indifférence. Atomique, défraye la chronique, la rubrique nécrologique. La rubrique nécrologique. Ouh, l'homme.